Amen. It's not just a human birth, but God's birth. Es war nicht nur eine menschliche Geburt, sondern die Geburt von Gott. C'est pas seulement une naissance de humaine, mais la naissance de Dieu. Amen. Amen. Allow Christ Jesus to help you to know what his birth really means. Lass zu, dass Jesus Christus dir hilft zu wissen, was seine Geburt wirklich bedeutet hat. Oh, tu risques Jésus Christ qui l'aide à te comprendre, que tu comprends la naissance de Jésus Christ. Amen. Amen. With the Holy Spirit to remind us of what this period, the meaning of this period. Dass der Heilige Geist uns hilft, die Bedeutung dieser Zeit zu kennen. Et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la période de ce temps. If you understand it, how the Lord wants us to understand it, and not understanding it wrongly. Wir müssen so verstehen, wie der Herr es möchte, und nicht es falsch verstehen. On doit le comprendre comme Dieu le veut, pas comme nous on veut. Praise the Lord. Hallelujah. The birth of God. Die Geburt Gottes. La naissance de Dieu. It is a reminder. You know, this period is a reminder. Die Zeit ist eine Erinnerung. Et ce temps, c'est un rappel. Of our every day and every minute, every second celebration. Von unserer täglichen, sekündlichen Feier. De la fête qu'on fait chaque minute, chaque seconde. Mm. We celebrate Christ always. Wir feiern Jesus Christus immer. For us, we are so used to it. Amen. Wir sind daran gewöhnt, Jesus zu feiern. Et pour nous, on fête Jésus Christ tous les jours. Nous sommes déjà habitués à ça. Amen. Amen. For the world, it is a big deal for them. This period, this the birth of Christ is an evidence against them if they refuse to turn to Christ. Für die Welt ist eine große Sache. Es ist ein Zeichen gegen sie, wenn sie sich weigern, sich zu Christus zu wenden. Et pour ce monde, c'est une grande chose qu'il fait la naissance de Jésus-Christ, mais c'est aussi une évidence contre lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For us, it is every day, every time that we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Wir feiern jeden Tag die Geburt von unserem Herrn Jesus Christus. Et nous, on fait tous les jours la naissance de notre Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for the world today, you know, they don't have any excuse. Die Welt hat heute keine Ausrede. Le monde n'a plus une excuse. Especially concerning this period. Besonders wenn es um diese Zeit geht. Surtout s'il s'agit de ce période. Because this period means a lot. Weil diese Zeit bedeutet viel. Parce que cette période ça signifie beaucoup. We can see that, you know, that a baby was born. Wir können sehen, dass ein Baby geboren wurde. On peut voir qu'un bébé a été né. Amen. A baby is born. Ein Baby wurde geboren. Un bébé a été né. You have to know to they are supposed to ask and know what the meaning of that baby being born and why the celebration. Wir müssen wissen, weshalb dieses Baby geboren ist und weshalb wir das feiern. Mais il doit aussi être capable à se demander pourquoi est-ce qu'on fête la naissance d'un bébé si c'est une personne ordinaire. It is not just a baby being born. Let us go to Matthew 2. Matthew 2. Matthew 2. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 2. Matthew 2. Matthew 2. We don't celebrate man, we celebrate Christ. Wir feiern nicht den Menschen, sondern Christus. Wir blessen. On célèbre pas l'homme, on célèbre Jésus-Christ. We don't worship man, we worship Christ. Wir beten nicht Menschen an, sondern Christus. Nous, on est, on adore pas Dieu, mais on adore Jésus-Christ. We don't serve man, we serve Jesus Christ. Wir dienen nicht Menschen, sondern Christus. Amen. On serve pas les gens, mais Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 1 and 2 of Matthew 2. Matthew 2:1-2. It said, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Verse 2. Saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east. And I come to worship him. Praise the Lord. Hallelujah. The worshiping was not just to worship a baby, but to worship God. Diese Anbetung war nicht nur, um ein Baby anzubeten, sondern um Gott anzubeten. Er, Il ne venait pas pour louer le bébé, mais pour louer Dieu. Amen. Amen. And that will help you, you know, to understand that you go to look for. Let's go to look for. Um das zu verstehen, können wir zu Lukas 4 gehen. Pour le comprendre, on va lire Luc 4. Praise the Lord. Alleluia. In Luke 4, verse 5 to 8. Lukas 4, 5 bis 8. Luc 4, verset 5 à 8. He said, and the devil, taking him up into an high mountain, showed unto him all the kingdoms of this world, of the world, in a moment of time. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Bible said kingdoms. Königreiche. Plural. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de royaumes, les royaumes qui... You have to understand why it is called kingdoms. Wir müssen wissen, weshalb es Königreiche heißt. On doit savoir pourquoi on dit les royaumes. Amen. Amen. It did not say kingdom, it said kingdoms. Königreiche. Il n'a pas dit un royaume, il avait dit les royaumes. Amen. Amen. You know, there are different kingdoms here on in this natural world. Es gibt verschiedene Königreiche in dieser natürlichen Welt. Il y a des royaumes différents dans ce monde naturel. What Satan used to control Africa is different from what he used to control here in the people here in Europe. Was der Satan nutzt, divided them into kingdoms. Um Afrika zu kontrollieren, ist anders als was er nutzt, um hier die Leute in Europa zu kontrollieren. Hat es in Königreiche aufgeteilt. C'est que le diable utilise pour contrôler l'Afrique, ce n'est pas la même chose qu'il utilise pour contrôler l'Europe. Donc il utilise deux choses différentes, puis il a divisé ces pays dans les royaumes. And that's why you see that, you know, what they seek in Africa is different from what they seek here. Deswegen siehst du, dass das, was sie hier in, was sie in Afrika suchen, die Menschen, ist alles, was sie hier suchen. C'est ça, on peut voir que ce que les gens en Afrique cherchent, c'est différent comparé avec ce que les gens en Europe cherchent. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 6, and the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for this is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. Praise the Lord. After the fall, the kingdom of this world, you know, Satan, it now belongs to Satan. That's what Satan is saying here. Hat das Königreich dieser Welt dem Satan gehört? Yeah, the very first time he ever said anything true. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et après la chute de l'homme, tous les royaumes mondains ont commencé à appartenir au diable. He said it has been delivered unto me. Who delivered it unto him? Wer hat ihm das übergeben? Adam and Eve. Adam und Eva. Et qui a remis la gloire de ce monde entre les mains du diable? C'était Adam et Eve. So also we deliver it unto him today. Und so übergeben Menschen ihm das auch ständig. Et c'est comme ça, nous aussi, les gens, on donne le diable la puissance. Whatever Satan used to steal, kill and destroy, is being given to him by man. Was immer der Satan nutzt, um zu töten, stehlen, zu zerstören, ist ihm gegeben worden von Menschen. Tout ce que le diable utilise pour détruire l'homme, c'est Dieu qui a donné le diable la puissance. Until you open the door for him, he cannot come in to steal, kill and destroy. Erst wenn wir dem Satan die Tür aufmachen, kann er töten, stehlen und zerstören. Tout ce qui nous, si nous on ouvre la porte au diable, c'est là où le diable va venir pour détruire et pour voler et pour tuer. Until you can, you know, until you cooperate with him, he can do nothing. Erst wenn du mit ihm kooperierst, kann in deinem Leben was tun. Er braucht deine Kooperation, um zu funktionieren. Jusqu'à ce que tu es en train de coopérer avec le diable, c'est à partir de là où il peut commencer à influencer ta vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why the book of James, he said, let us go there. Put something in. Look at the book of James. Jacobus. On va lire maintenant Jacques. Praise the Lord. Jacques. James. Jacobus. James 4. Jacobus 4, Jacques 4, verse 7 and 8. Verse 7 and 8. Verset 7 à 8. He says, submit yourself, therefore, to God. You submit to Christ. That is how you can resist the devil. Wir unterwerfen uns Christus, so können wir dem Teufel widerstehen. Tu te soumets à Dieu, c'est comme ça que tu vas résister au diable. No one can resist the devil without submitting to Christ. Niemand kann dem Teufel widerstehen, ohne sich Christus erst zu geben. Personne ne peut résister au diable quand il ne se soumet pas à Dieu. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. That place is enough. Amen. Amen. You submit yourself, therefore, to Christ. Amen. And that is how, the only way you can resist the devil. Amen. That is the only way you cannot, you will not open the door for Satan to come in. Ja, du kannst den Satan nur widerstehen, wenn du dich Jesus unterwirfst. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Amen. Du verhindern kannst, dass er in dein Leben kommt. La seule façon comment tu peux résister au diable, c'est quand tu te soumets à Dieu. It is only, it also means that it is only when your mind is full of Christ that Satan cannot come in. Mm. Das heißt, wenn deine Gedanken voll sind von Christus, kann der Satan auch nicht reinkommen. Seulement quand tes pensées sont remplies de Dieu ou de Jésus-Christ, c'est là où le diable ne peut pas entrer. Amen. Amen. Remember Abraham, he said his mind was not full of the past, and that is why the devil could not take him back to the past. Aber Amen. Er hatte seine Gedanken nicht bei der Vergangenheit, deswegen konnte der Teufel ihn auch nicht in die Vergangenheit verführen. Même la Bible nous dit que Abraham n'était pas rempli avec le passé, parce et c'est là où il ne pouvait pas aussi rentrer. You know, the past desire, the past love, the past, you know, the past friends. You know, you keep on watching them in one way or the other. You follow them up. Where are they now? What are they doing now? You better take your heart away from them. Amen. Amen. Amen. Stop watching people. Allow your focus to be on Christ alone. Amen. Wir müssen aufhören, Leute zu beobachten, besonders Leute aus unserer Vergangenheit, und zu schauen und zu sehen, wo diese Leute jetzt sind, was sie jetzt machen, was sie jetzt machen, was sie erreicht haben, weil das wird dafür sorgen, dass sie dann wieder zurückgehen. Amen. That is not your business. Das ist nicht deine Sache. Allow Christ to be your business. Dass du das Christus dein Business ist. Amen. Amen. Amen. Don't follow people up and say what they, you want to know about them. You know, don't let you. Who you want to know should be Christ alone. Amen. That is how you can continue. If not, you will open the door for Satan to come in to do his job. Versuch nicht bei deinen one way or the other. Freunden auf den Laufenden zu sein, sondern fokussiere dich auf Christus, weil sonst wirst du zurückgehen. Et vous devez arrêter de contrôler ou de suivre les gens de votre passé ou les personnes que vous avez des relations avec. Parce que si vous commencez à se concentrer à leur vie, c'est là où les désirs passés, les désirs de ce monde vont commencer à venir. You know, Abraham left his father's land. He'd never return. Abraham hat sein Vaterland verlassen. Er hat nie wieder dran gedacht. You wonder why we are being tempted today. Wir wundern uns, weshalb wir immer wieder versucht werden. Et Abraham, quand il a quitté sa famille, c'est là où il a arrêté de regarder derrière. On était toujours focalisé à Dieu. Et nous, on commence toujours à regarder derrière. Et c'est là pourquoi nous sommes tentés. Amen. Amen. It's better you just go and join them than today you are here, tomorrow you are there. Dann ist es besser, sogar ihn einfach wieder zurückziehen zu gehen, anstatt hin und her zu tanzen. Et c'est mieux de rentrer au passé au lieu de. Oui, de venir puis de sortir. How to resist the devil? Wie wir dem Satan widerstehen? Comment on résiste le diable? Submit yourself therefore to God. Indem wir uns Gott unterwerfen. Si tu le fais quand tu te soumets à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't allow Satan to bring them into your heart any longer. Lass nicht zu, dass der Satan sie in dein Herz wieder bringt. Ne laisse pas que le diable te l'amène dans ton cœur. Amen. Amen. Back to Luke 4. Lucas 4. Luke 4. Verse 6. Lucas 4, verse 6. Luke 4, verse 6. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that it delivered unto me, and to whom soever I will give it. If thou therefore will worship me, all shall be done. Praise the Lord. Hallelujah. You can see how hungry he is about worship. Ihr seht, wie hungrig der Satan ist nach Anbetung. Donc merci, si c'est pour voir comment le diable a faim de l'adoration de l'homme. He demanded worship in heaven. That's why he was kicked out. Er wollte auch im Himmel angebetet werden. Il voulait aussi être adoré au ciel. C'est ça pourquoi il a été chassé. You worship only the Creator. Wir dienen, wir beten nur den Schöpfer an. Mais tu adores seulement le Créateur. Put something here. Let us go to Romans 1. Let us quickly check Romans 1. Römer 1. Talks about creation and what Roma Lord created. Amen. Amen. Romans 1. Verse 25. Verset 25. Römer 1, 25. He said, who changed the truth of God into lie and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. They worship the Creator more than the Creator. It's everywhere today. Sie dienen der Schöpfung mehr als dem Schöpfer. Et les gens préfèrent de servir la créature au lieu le créateur. Und das sehen wir überall heute. On le voit partout. They worship Satan. They worship angels. Sie dienen Satan. Even Angel Michael, you don't worship Angel Michael. Du dienst auch keinen Engel. Les gens adorent le diable ou même les anges. Même tu peux pas adorer aussi l'ange Michael. You don't worship Angel Gabriel. You don't worship any angel. Wir beten keine Engel an, nicht Engel Gabriel, auch nicht Engel Michael. Et nous on adore pas l'ange Gabriel, mais aucun autre ange. They are all creatures. Weil sie sind alle Geschöpfe. Parce qu'ils sont, ils sont tous des créatures. You only worship the Creator. Wir beten nur den Schöpfer an. On adore seulement le Créateur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. A lot of people, they worship themselves today. Viele Leute, they are their God. An. Sind ihr eigener Gott. Et beaucoup de gens adorent même eux-mêmes. They worship their job. They worship their profession. They worship, there are a lot of things. They worship their beauty. Sie beten ihr Geld an, ihre Schönheit an, ihr Können an. Ils adorent leur travail, leur argent ou même leur beauté. It means they worship the Creator. And not the Creator. Das heißt, sie beten die Schöpfer, nicht den Schöpfer. Donc ça montre ils adorent la créature et pas le créateur. Back to Luke 4, please. Lucas 4. Luke 4. Amen. Amen. And in verse 8, and Jesus answered and said unto him, verset 8. Get thee behind me, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord your God, and him only shalt thou serve. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord alone, that Jesus Christ alone, Jesus Christus alleine, is who you are to serve. Er muss angebetet werden. Seulement Jésus Christ a le droit d'être adoré. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, this very place, Matthew 2, verse 1 and 2, will help us to know how the Lord humbled himself, how he loves humility. Wie sehr der Herr Demut liebt. Matthieu 2, verset 1, 2, ça nous montre comment Dieu être, il aime ses humbles, ses humiliés. He became a baby. Er wurde zu einem Baby. Il est devenu un bébé. He loves humility. Er liebt Demut. Il aime humilité. He humbled himself. Er hat sich gedemütigt. Er ist humilié lui-même. And he confuses the devil. Und das verwirrt den Satan. Et ça confie le diable. Today he still confuses the devil once you submit to Christ. You humble yourself before Christ. Und auch heute verwirrt das noch den Teufel, wenn wir uns dem Herrn hingeben und uns vor ihm demütigen. Et même aujourd'hui, ça confie le diable quand tu te soumets à Dieu. Amen. Mm-hmm. You know when Jesus was born, and when you know, he confuses Satan how he can Almighty God can humble himself so low. So wird den Satan wieder allmächtige Gott sich demütigen kann. Et ça confond au diable quand Dieu a été capable à se humilier devant l'homme. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why even up to today, humility in Christ Jesus confuses Satan. Selbst heute noch verwirrt die Demut des Königreiches den Satan. Et même aujourd'hui, l'humilité ça confond au diable jusqu'aujourd'hui. It is not humility in this world that is humility of Christ. Und es ist nicht die Demut dieser Welt, sondern wirklich die Demut von Jesus. C'est pas l'humilité de ce monde, mais l'humilité de Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Satan is the author of the humility of this world. Der Satan ist der Autor der Demut dieser Welt. Et le diable est le créateur de l'humilité de ce monde. Amen. Amen. He will say respect, you know, honor your father and your mother, but don't honor Jesus. Er wird dir sagen, du sollst deine Eltern ehren, aber respektieren, aber nicht Jesus Christus. Et le diable va dire honore tes parents, mais pas Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants you and me to do the same. Der Herr, dass wir das the gleiche spirit tun. Of humility of Christ should be in us. Der Geist der Demut, der Geist von Christ soll in uns sein. Et l'esprit d'humilité, ça doit être en nous. To humble ourselves before Him. Damit wir uns vor ihm demütigen. Et de se humilier devant lui. The Lord. You know, Jesus humbled himself before his father. Jesus hat sich vor seinem Vater gedemütigt. Et Dieu, Jésus Christ s'est humilié devant Dieu le Père. He will not tell us to do what he did not do. Er wird uns nicht sagen, etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat. Il va pas nous dire de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. And that is why in Matthew 18, he said, until you humble yourself before like this little child, you are not in the kingdom of heaven. Deswegen sagt er in Matthäus 18, erst wenn du dich so demütigst wie dieses kleine Kind, bist du im Königreich. C'est ça pourquoi Matthieu nous dit que jusqu'à ce que tu t'es humilié comme l'enfant, tu n'es pas encore arrivé au royaume des cieux. Mm. He humbled himself so much. Il a été so krass gedemütigt. Il s'est vraiment humilié. Look at where he was born. Schau dir an, wo er geboren wurde. Regarde où il a été né. Amen. Amen. Look at, you know, just check everything about Jesus. Schau dir alles an über Jesus. Regarde tout sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Look at the job, the natural job he was doing. Die Arbeit, die er getan hat. Er war ein Amen. Tischler. Examine le travail même de Jésus-Christ. Il a été un charpentier. He was not a professor. Er war kein Professor. Amen. Il n'a pas été un professeur. Amen. He was not a doctor. Er war kein Arzt. He was not a lawyer. Er war kein Anwalt. He was just nobody. Er war niemand. Il n'était pas un docteur ni un avocat, mais il était personne. But at the same time, a savior. Aber gleichzeitig war er ein Retter. Mais au même temps, il a été un, il est un sauveur. Praise the Lord. Hallelujah. He humbled himself so much. Er hat sich so sehr gedemütigt. Praise the Lord. Hallelujah. He became a man. Er wurde zu einem Menschen. Il est devenu l'homme. He became what he created. Er wurde das, was er erschaffen hat. Il est devenu ce qu'il a créé. So that he can save us. Damit er uns retten kann. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see how the love he loves us is so great. Wie die Liebe, die er für uns hat, so groß ist. Amen. Et on peut voir comment l'amour qu'il a pour nous est tellement grand. For the whole God, the Almighty God, to humble Himself. Dass der allmächtige so that he can get, we can become His family. Damit wir seine Familie wieder sein können. Amen. Oui, Dieu, le Dieu qui est vraiment, Dieu qui est vraiment puissant, il s'est vraiment humilié pour que nous on devienne sa famille. Amen. Amen. Amen. And that's why this period should remind us how much He really loves us. Deswegen sollte diese Zeit uns daran erinnern, wie sehr er uns wirklich liebt. C'est ça, cette période, ça doit nous rappeler à l'amour de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 5, verse 1-8. Let us quickly go to Romans 5. Romans 5. Praise the Lord. This period is the period of a reminder that Jesus truly loves us. Diese Zeit erinnert uns wirklich daran, dass Jesus uns wirklich liebt. Amen. Et la période, ça nous rappelle comment Jésus Christ nous aime. Amen. Amen. He loves us so much. Amen. And He came here. Er liebt uns so sehr und er ist hingekommen. Il nous aime vraiment beaucoup puis il est venu pour nous. He never bothered him what it will cost him. Und es hat ihn nicht gekümmert, was ihm kosten wird. Et ça n'a pas, ça ne, ça n'en est pas fait le souci. Ça n'a pas fait. Jésus-Christ ne s'est pas enquêté de ce que ça va l'écouter. He left heaven. Il a quitté le verlassen. Il a quitté le ciel. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says he became poor. Il veut dire wurde arm. La Bible nous dit qu'il est devenu pauvre. So that you and me will be rich. Damit du und ich reich sind. Que toi et moi nous sommes riches. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Isaiah 53 talks a lot about him. The Bible said there was no beauty in him. In Jesaja 53 wird viel über ihn gesprochen. Da steht, dass keine Schönheit in ihm war. Jesaja 53 parle beaucoup de Jésus-Christ et la Bible nous dit qu'il n'avait pas la beauté. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if people want to marry today, they are looking for beautiful, handsome people. Wenn Leute heiraten heutzutage, suchen sie nach Menschen, die schön sind. Si les gens veulent se marier aujourd'hui, ils cherchent les gens attractifs ou même beaux, jolis. You know, if Jesus is in their midst, they will not choose Jesus. Wenn Jesus zur Auswahl stand, würden sie ihn nicht wählen, weil er nicht mehr schön war. Oder gut aussehen war. Mais si Jésus-Christ voulait être dans notre milieu là, beaucoup de gens ne voulaient pas les choisir. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 5, from verse 1 to 8, it says, therefore, Romans 5, verset 1 à 5, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The birth of Christ is the birth of peace. Die Geburt von Christus, die Geburt des Friedens. La naissance de Jésus-Christ est la naissance de la paix. Amen. Amen. The birth of Jesus Christ is the birth of peace between God and man. Die Geburt von Jesus Christus ist die Geburt des Friedens zwischen Gott und den Menschen. Et la naissance de Jésus-Christ est la naissance de la paix entre Dieu et l'homme. The birth of Jesus Christ is the birth of peace between God and man. Die Geburt von Jesus Christus ist die Geburt von Frieden zwischen Mensch und Gott. Amen. La naissance de Jésus-Christ est la naissance de la paix entre Dieu et l'homme. It is the birth of what Christ called peace. Es ist die Geburt von dem, was Christus Frieden nennt. C'est la naissance de ce que Jésus-Christ appelle la paix et pas ce que l'homme appelle la paix. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then in verse 3 says, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Verse 3. And not only so, but we glory in tribulation also. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know what you are passing through. Ich weiß nicht, was du durchmachst. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. He said, we glory in tribulation. Aber wir freuen uns in der Bedrängnis. Mais la Bible nous dit qu'on nous tirons fierté même de nos détresses. People might hate you. They might be fighting you. You know, they are not fighting you because you have stolen something, but because of Christ, for choosing Christ. Leute hassen dich zwar oder sind gegen dich. Glory, gegen dich wegen Jesus. Glory in tribulation. Und darin können wir uns rühmen und dankbar sein. Dass um Christus willen ist. Quand les gens sont contre toi, ne sont pas contre toi parce que tu as volé quelque chose, mais parce que tu choisis Jésus-Christ. Et c'est là où tu dois être fier. Praise the Lord. Amen. They are laughing at you. You are not married. You don't have anybody. You don't have anything. Look at you. You know, they compare themselves to you. Sie vergleichen sich mit dir und sagen, that you glory in tribulation. Und lach nicht aus, weil du because nicht you are depending on Christ. Amen. Verheiratet bist oder nicht genug Geld hast oder Ansehen oder sonstiges, aber du freust dich, weil du dich auf Christus verlässt. Amen. Et les gens se moquent de toi parce que toi tu te refuses à faire des choses comme le monde le fait. C'est pourquoi ils disent que tu n'es pas marié, tu n'as pas un travail. Mais au milieu de cette moquerie, tu dois être fier parce que tu choisis Jésus Christ. Amen. Amen. You know they call their blessing. What man call blessing? They name them one by one. No, nobody can even see yours. Nobody can count yours. But you are, but you know that one thing you know that is that you have Christ. Sie zählen ihre Segen and that is enough. Aber du kannst deinen nicht aufziehen, weil deiner nicht sichtbar ist. Aber eine Sache hast du, das ist Christus. Amen. Und das reicht. Et les gens comptent leurs bénédictions, mais toi, tu n'es pas capable à compter tes bénédictions parce que ce n'est pas physiquement à voir. Mais toi, tu as Jésus-Christ, c'est ça ta bénédiction. Amen. Et la seule vraie bénédiction. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, knowing that tribulation worketh patience. Verse 4. Verse 4. A patient experience and experience hope. Praise the Lord. Hallelujah. We experience Christ and not experiencing evil. Wir erfahren Christus und nicht das Böse. Nous on fait de l'expérience de Jésus-Christ et pas du mauvais. Please stop walking by your experience. Hör bitte auf, nach deinen Erfahrungen zu wandeln. Arrêtez de marcher de votre expérience. In the natural world, they walk by experience. In der natürlichen Welt lässt man sich von Erfahrungen leiten. Au monde naturel, on marche à travers les expériences. In Christ's world, we walk by Christ. In der Welt von Christus wandeln wir durch Christus. Mais au monde du Christ, on marche à travers du Christ. If I give you just one example. Amen. If you remember Peter, he fished all through the night. There was no fish. Then when Jesus now came, he said, drop the net. The same sea, the same net. You know, if he had walked by experience, he would not obey the voice of Christ. Zum Beispiel auch Petrus, als er gefischt hat die ganze Nacht und der Herr ihm dann gesagt hat, er soll die Netze dennoch noch mal runterlassen, hätte er auch sagen können, nee, ich verlasse mich auf meine Erfahrungen, die ich die letzten Stunden gemacht habe, und die sagen mir ganz klar, dass es nichts bringt, weil es ist das gleiche Boot, es ist das gleiche Netz, der gleiche See, es bringt nichts. Aber er musste auch seine Erfahrungen beiseite legen und dem Herrn vollkommen vertrauen. Praise the Lord. Et même l'exemple qu'on peut voir, c'est avec Pierre, parce que lui, par exemple, il a pêché toute la nuit dans les lacs. Et il n'a pas trouvé ou ne pouvait pas attraper une poisson. Mais quand Jésus-Christ a commencé à pêcher directement, c'est là où il a attrapé beaucoup de poissons. Donc ça montre qu'on ne marche pas à travers des expériences, mais à travers de Jésus-Christ. Amen. In the natural world, the experience is your best teacher. In der natürlichen Welt ist Erfahrung der beste Lehrer. Parce qu'au monde naturel, l'expérience est leur meilleur ami. In the Christ world, Holy Ghost is our teacher, the Aber best teacher. Welt von Christus ist der Heilige Geist unser bester Lehrer. Mais dans le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre meilleur professeur. Praise the Lord. Alleluia. Our hope is not a natural hope. It's hope, God kind of hope. God kind of hope is depending on Christ. Amen. Unsere Hoffnung ist Christus, sich auf Christus zu verlassen. Das ist unsere Hoffnung. Notre espoir est Jésus-Christ et Jésus-Christ notre espoir. Those in the world, they hope. They hope Corona will go. Amen. They hope things will work. They hope that we can return to their what they call normal world that was already evil world. Dass sie zurück zur rein normalen Welt gehen, Amen. Die aber auch schon verteufelt und bösartig war. Et on peut voir aussi que ce monde aussi a son propre espoir, parce qu'il espère que la normalité va rentrer, mais nous, nous avons le Christ. Christ is our hope. Christus ist unsere Hoffnung. Jésus est notre espoir. The hope of glory. Amen. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. L'espoir de la glorification de Dieu. Amen. And that is why our hope never fails. Deswegen endet unsere Hoffnung nicht. C'est pourquoi notre espoir échoue jamais. What they call their hope is just maybe it will go, it will work, maybe it will not work. Was ihre Hoffnung denn ist, vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. C'est que l'homme appelle espoir, ça peut fonctionner ou pas. Praise the Lord. Hallelujah. Our hope never fails. Aber unsere Hoffnung Christ nicht. Never fails. Christus versagt niemals. Wenn notre espoir n'échoue jamais, parce que Jésus-Christ n'échoue jamais. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 5. And hope maketh not ashamed. Verset 5. Amen. Hope, depending on Christ, you should never be ashamed of depending on Christ. Du sollst dich niemals dafür schämen, dass du auf Christus hoffst. Tu dois jamais avoir honte que tu dépends à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be ashamed of him that we are waiting upon. Schäme dich nicht für ihn. Schäme dich nicht dafür, dass du auf ihn wartest. N'aie pas honte que tu attends à Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are not in competition with anybody. Amen. Du stehst mit niemandem in einem Wettbewerb. Let them be running. Let them be going. Die Leute sollen an dir vorbeilaufen. Now you hold on to Jesus. Aber du hältst Jesus fest. Amen. Amen. Tu es avec personne, tu es dans une compétition. Laisse-les avoir leur succès, mais toi, concentre-toi à Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That's why they say, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. You can see one of the jobs of the Holy Ghost. Is it eine Aufgabe des Heiligen Geistes? The kind of love is shed, is occupy our heart. Gottes Liebe umgibt unser Herz. Et même dans verset 5, on peut voir le travail du Saint-Esprit, et c'est de occuper notre cœur avec l'amour de Dieu. You know, the Holy Ghost is in charge of helping us to understand and be rooted in God kind of love. Der Heilige Geist hilft uns, die Liebe Gottes zu verstehen und daran verwurzelt zu sein. Amen. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à être raciné dans l'amour de Dieu. And to walk in God kind of love. Und in Gottes Liebe zu wandeln. Et de marcher dans l'amour de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 6 said, and where we were yet, for where we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Amen. Amen. Amen. Those that believe, they need him. Die Leute, die glauben, dass sie ihn brauchen. Verse 6 nous dit que Dieu est là pour les gens qui croient qu'ils ont besoin de lui. He did not die for the godly, but the ungodly. Er ist nicht für die, if you are getting something here. Für die göttlichen gestorben, für die Gottlosen. Amen. Et Dieu n'est pas mort, pour les croyants, mais pour les incroyants. You know, the Pharisees, they were godly. Die Pharisäer waren gottesfürchtig. Are you getting it? Die Pharisäer haben eine Vie divine. Amen. And that's why they were fighting him. Und that the ungodly, they were embracing him. Und deswegen haben sie ihn bekämpft. Aber die Gottlosen, die haben ihn akzeptiert, aufgenommen. Et on peut voir que les Pharisäer n'ont pas accepté Jésus-Christ, mais c'était les gens qui ne menaient pas une vie divine. C'est eux qui ont accepté Jésus-Christ. The ungodly are those that the Pharisees called sinners. Die Gottlosen sind die Pharisäer Sünder nennen. Et les gens qui ne menaient pas une vie divine, ce sont les Pharisiens qui les appelaient un pécheur. They embrace Jesus. Sie umarmen Jesus. Mais ces gens-là ont accepté Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And Jesus ate with them. Und Jesus hat mit ihnen gegessen. Et Jésus-Christ a mangé avec eux. Example, Zacchaeus. Amen. Zacchaeus beispielsweise. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And Jesus, you know, the Pharisees called him a friend of sinners. Und die Pharisäer haben ihn daraufhin einen Freund der Sünder genannt. Et les Pharisiens ont appelé Jésus-Christ un ami des pécheurs. Verse 7. Verset 7. For scarcely for a righteous man we wonder, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Merci. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Without His birth, ohne seine Geburt, sans sa naissance, He will not be able to die for us. Wäre nicht in der Lage für uns zu sterben. Il ne pouvait pas être capable à mourir pour nous. Amen. Amen. He has to come first of all, come to this world. Er musste auf diese Welt kommen. D'abord, il devait venir dans ce monde. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. His birth is so important. Seine Geburt ist so wichtig. Sa naissance est très important. Amen. Amen. Without his birth, he cannot share his blood for you. Ohne seine Geburt könnte er nicht sein Blut für dich teilen. Sans sa naissance, il ne pouvait pas partager son sang pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ's birth is very, very important for us. Die Geburt von Christus ist sehr wichtig für uns. La naissance de Jésus-Christ est très important pour nous. It is the birth of humility. Es ist die Geburt der Demut. C'est la naissance d'humilité. The birth of salvation. Die Geburt der Errettung. La naissance de la salut. The birth of freedom. Die Geburt von Freiheit. La naissance de la liberté. The birth of deliverance. Die Geburt von Erlösung. La naissance de la délivrance. The birth of the kingdom of heaven. Die Geburt vom Königreich des Himmels. La naissance du royaume des cieux. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Will we stop there and then we listen to the, I don't know, amen. Amen. Don't you have testimonies? All of you are done. Please, I want to hear it. We want to hear it. We do, others want to hear it also. Amen? Amen. Because the Lord just told me that the children should be sent out so that they come home with testimony. Amen. Er hat gesagt, dass die Kinder rausgehen sollen und wieder zurückkommen sollen mit Zeugnissen. Then I asked, which type of, what is the testimony? Dann habe ich gefragt, was für Zeugnisse? Let's go to Luke. On vient de sortir des péchés d'ailleurs à des soldats et c'est ça pourquoi le Saint-Esprit a dit à maman que c'est très important qu'on partage ce témoignage ici à l'église et maintenant on va lire Luc 10 pour voir pourquoi Dieu nous a envoyés. Please go to Luke 10. Lucas 10. Luke 10. Amen. Mm-hmm. You know, Jesus sent the 70. Jesus hat die 70 Jünger losgeschickt. Jesus envoie les 70. You know, they did not return sad. They returned with joy. Sie sind nicht traurig zurückgekommen, sondern mit Freude. Amen. Ils sont pas rentrés avec la tristesse, mais avec la joie. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when Jesus sent them, you know, amen, he just told them, once you get there, tell them the kingdom of heaven is at hand. That was only the message. Sag ihnen einfach, dass das Königreich Gottes nahe ist, nichts anderes. Das hat ihnen mitgegeben. Et Jésus-Christ les a dit, prêchez que le royaume de Dieu est proche et prêt. Amen. Amen. He sent them, he said, the kingdom, tell them that the kingdom of God is at hand. Sag ihnen, dass das Königreich Gottes nahe ist. Il a dit aux disciples, dites les gens que le royaume de Dieu est prêt. Another kingdom, different from the kingdom of this world, is about to come. Ein anderes Königreich, was anders als diese Welt, ist kurz vor seinem Eintritt. Un autre royaume qui est différent de ce royaume de ce monde, c'est ça qui vient. Praise the Lord. Hallelujah. And the 70 return again with joy. Again, we have sent them before. Hat sie schon mal geschickt? Amen. Verset 1, on peut voir que Jésus-Christ les a envoyés déjà. Praise the Lord. Yeah. They return again. Again. Verset 17. In Vers 17. Are we there, please? Okay. And the 70 return again with joy. Again. Amen. Amen. It means they have been going. He has been sending them. It was not just once. Dans verset 17, on peut voir que les 72 ont été déjà envoyés plusieurs fois par Jésus-Christ. He says, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Amen. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, of your enemy, and nothing shall by any means hurt you. You are well protected. Ihr seid gut beschützt. Amen. Amen. On vient de lire 17 et 18, et ça montre que nous sommes vraiment protégés par Jésus-Christ. No fear when working for the true God. Keine Angst, wenn wir für den wahrhaftigen Gott arbeiten. Keine Peur, wenn wir für den wahren Dieu. Amen. Amen. Amen. But if you are under religion, you should be afraid. Außer Religion, da musst du Angst haben. But no religion can save you. Weil Religion kann dich nicht retten. Seulement quand tu es sous la religion, c'est là où tu dois avoir peur, parce qu'aucune religion peut te sauver. You know, but here what Jesus is saying here is only based on his it's only for those that are in his kingdom. Das was Jesus hier sagt, gilt nur für die Leute, die in seinem Königreich sind. Amen. Tout ce que Jésus Christ nous dit ici, c'est seulement pour les gens qui sont basés sur son royaume. And that's why, you know, when they see, you know, when people go and preach, people, they can go kill them along the way. Or they, you know, a lot of things happen. Amen. But here he said, look at, he said, behold, I give unto you power to tread on serpents 19. And scorpion. That's verse 19. 19. And over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Amen. That Jesus speaking here. Because he is the Hishwish. It's either the truth or the biggest liar. Entweder ist es die Wahrheit oder er ist der größte Lügner. Dans verset 19, Jésus-Christ nous dit que nous sommes vraiment protégés et soit il est un menteur ou il dit la vérité. Verse 20. 20. Notwithstanding this, rejoice not. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we come home in peace and not in pieces. We are rejoicing. He said that should not even be our joy. Dass wir zu Hause ankommen in Frieden und nicht in Spaltung, das sollte nicht unsere Freude sein. Et notre joie ne doit pas être que personne nous a attaqué. You know, that should not even be the testimony. Das soll nicht das Zeugnis sein. Et c'est pas aussi notre témoignage. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And notice about, that the spirits are subject unto you. Mm. But rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Rejoice because you heard the voice of Jesus and you obey it. Amen. Freut euch darüber, dass ihr die Stimme des Herrn gehorcht habt und es getan habt. Notre joie est que notre nom soit inscrit dans le ciel. C'est ça notre témoignage. No matter what happened. Egal was dort passiert ist. N'importe quoi qui s'est passé. But you heard it. You know the voice of Jesus. Du hast die Stimme von Jesus gehört. And you obeyed. Und du hast gehorcht. Tu as attendu la voix de Jésus. Somebody getting it. Et elle a obéi. Praise the Lord. Hallelujah. You know Deuteronomy 30 said you obey his voice. 5. Mose 30 steht, du gehorchst seiner Stimme. Et Deuteronome 30 nous dit qu'on doit obéir sa voix. You were not there to obey the voice of the flesh. Ihr wart nicht da, um die Stimme des Fleisches zu gehorchen. On n'était pas là pour obéir à la voix de la chair. An der Stimme von Jesus. Mais pour obéir à la voix de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, we want to hear more. If there's anything at all you have to say. Amen. Amen. Praise the Lord. Who will first come out to speak, please? Okay, Schatz. Yeah. So you come here. Merci beaucoup.